الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, on continue la lecture des fatwas du Cheikh Al-Fawzan dans son livre Al-Ijabat Al-Muhimma fi Al-Mashakil Al-Mulimma. Et on est toujours donc dans le volume 1, parce que le livre il est divisé en deux parties. Et on est rendu toujours dans la section où le Cheikh parle des questions sur rapport avec la foi et la réfutation de la secte des Murji'a, c'est-à-dire ceux qui croient que les actions, la foi, ça ne comprend pas les actions. Ceux qui croient que la foi ne comprend pas les actions. On a parlé des différentes catégories des Murji'a au dernier cours. On a expliqué qu'ils sont divisés en quatre catégories. Aujourd'hui, on va répondre à lire ensemble aux réponses du Cheikh au sujet de d'autres questions qui sont reliées à ce sujet-là encore. Donc, la première question qui a été posée au Cheikh, là où on est rendu, à la partie 31, c'est les questions suivantes. As-su'al, hal al-khilaf? هل خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء في أعمال القلوب أم الجوارح؟ وهل الخلاف لفظي أم معنوي؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل. الجواب: خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة هو اختلاف في العمل الظاهر كالصلاة والصيام والحج، فهم يقولون إنه ليس من الإيمان وإنما هو شرط للإيمان، إما شرط صحة وإما شرط كمال، وهذا قول غير صحيح كما عرفنا. والخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة خلاف معنوي وليس خلافا لفظيا، لأنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بالأعمال، فلا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، وإيمان الناس سواء، لأنهم عندهم التصديق بالقلب مع القول باللسان، وهذا قول غير صحيح. Donc le Cheikh, on lui a posé la question: est-ce que la divergence qui existe entre les musulmans de Ahl Sunna, c'est-à-dire les musulmans qui suivent la Sunna et qui s'accrochent à la Aqida de Ahl Sunna wal Jama'a, est-ce que la divergence qui existe entre eux et les Murji'a, parmi les Fuqaha de Murji'a, comme les Ahnaf, ce qu'on appelle les Ahnaf, les gens qui suivent Abu Hanifa aujourd'hui, c'est eux qu'on appelle Murji'atul Fuqaha, d'accord? Donc la divergence qui existe entre eux et les gens d'Ahl Sunna, est-ce que ça concerne les actions du cœur ou les actions du corps? Vous savez que dans la foi, il y a les actions du cœur et il y a les actions du corps. C'est quoi les actions du cœur? Est-ce que vous pouvez me mentionner quelques exemples? Hein? Al-Khawf. Al-Khawf, c'est la crainte. La plus importante, c'est quoi? Bien entendu, c'est Al-Hub. Al-Hub, Hubbullah. L'amour d'Allah, c'est la plus grande des actions du cœur. On oublie l'amour tout le temps. Pourtant, l'amour, c'est un des plus importants parmi les piliers de l'adoration dans le cœur. Al-Khawf wal-Hub. Et il y en a d'autres encore. Al-Raja, l'espoir. Et quatre, Al-Tawakkul. Donc ça, c'est quelques-uns des exemples des actions du cœur. Ok? Et il y a les actions du corps, comme la question qui a été posée au Cheikh. Donc, le Cheikh dit, est-ce que la divergence entre les gens d'Ahl Sunna et les Murji'a, des Fuqaha, est-ce que c'est au sujet des actions du cœur ou bien les actions du corps. Et est-ce que c'est une divergence qui est uniquement une divergence dans les expressions ou les mots qu'on utilise pour le désigner là, cette fois-là, ou bien c'est dans la signification? Est-ce que c'est une divergence uniquement verbale ou dans les termes, ou bien une divergence dans la signification? Et le cheikh, il dit, nous espérons de votre part une explication détaillée. Et le cheikh, il répond à cette question-là. Il dit, la divergence entre les murji'a des fuqaha et la majorité d'Ahl Sunna, c'est une divergence au sujet des actions apparentes, pas au sujet des actions du cœur. Donc la différence entre les murji'a des fuqaha et les gens d'Ahl Sunna, parce que les murji'a des fuqaha, ils disent quoi? Pour eux, ils disent que la foi, c'est seulement qu'est-ce qui est dans le cœur et qu'est-ce que tu prononces avec la langue. Mais les actions, ça ne fait pas partie de la foi pour eux. Donc, pour eux, les actions apparentes comme la salat, le jeûne, le hajj, eux disent que ça ne fait pas partie de la foi. Ils disent que c'est seulement une condition pour la foi. Soit une condition pour que la foi soit acceptable ou valable, ou soit que c'est une condition qui vient compléter la foi, mais elle ne fait pas partie de la foi. Ces actions-là ne font pas partie de la foi en elle-même pour eux. Et ça, c'est une parole qui est fausse, hein, qui est contraire à la vérité. Donc le cheikh, il dit, cette divergence-là entre nous et les gens des murji'a de fuqaha, c'est pas une divergence seulement dans les mots, c'est une divergence dans la signification, dans les sens. Hein, c'est pas juste dans les mots ou dans les expressions qu'on utilise. Parce qu'il y en a qui disent ça, c'est juste une divergence dans les termes. On utilise différents termes, mais ça a la même signification. Dans ce cas-là, ici, c'est pas le cas. C'est pas une différence juste dans les termes. C'est une différence dans la signification de la foi. Ok? Puisque, pour eux, la foi, elle n'augmente pas avec les bonnes œuvres et elle ne diminue pas avec les péchés. Tandis que pour les gens de Ahl Sunna, la foi, elle augmente. Hein? La position des gens qui sont sur la Sunna, qui sont sur la vérité, c'est de dire que la foi, elle augmente et elle diminue. Elle augmente quand tu fais des bonnes œuvres, elle diminue quand tu fais des péchés. Hein? Et non seulement ça, mais que les gens sont différents dans leur foi. Quelqu'un peut avoir une foi très forte et l'autre foi très faible. Tandis que pour les murji'at al-fuqaha, non. Pour eux, tout le monde est égal dans la foi. Puisque pour eux, les actions, ça ne fait pas partie de la foi. Donc, peu importe que tu fais plus ou moins, ça augmente pas ta foi, ça diminue pas ta foi. Hein? Ça, c'est une différence réelle. C'est pas seulement une différence dans les termes. Hein? Et ça, c'est une parole qu'ils ont, eux, qui est complètement fausse. Parce que pour eux, la foi, c'est juste qu'est-ce que tu crois dans ton cœur et qu'est-ce que tu reconnais de ça avec ta bouche. Donc ça, c'est la réponse du cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Ensuite, on lui a posé la question. ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية ولكنه نطق بالشهادتين ويقر بالفرائض ولكنه لا يعمل شيئا البتة هل هذا مسلم أم لا علما بأن ليس له عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفرائض. Donc le cheikh, on lui a posé la question, quel est le verdict au sujet de la personne qui ne fait aucun acte dans les actes apparents, qui ne fait aucun acte de la religion en apparence, excepté qu'il dit « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah ». Mais après il ne fait rien, il ne fait pas la salat, il ne fait pas le zakat, il ne fait pas le hajj, il ne fait pas le son, il ne fait rien des actions. Et il reconnaît que ces choses-là sont obligatoires, mais il ne fait rien du tout. Est-ce que c'est un musulman ou non? Et tout en sachant que il n'a aucune excuse légale, selon la charia, qui l'empêche d'établir ces obligations-là. Donc, est-ce qu'on dit à son sujet que c'est un musulman quand même? Le cheikh, il répond, Al-Jawab, هذا لا يكون مؤمنا. من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يعمل بجوارحه عطل الأعمال كلها من غير عذر هذا ليس بمؤمن لأن الإيمان كما ذكرنا وكما عرفه أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح لا يحصل الإيمان إلا بمجموع هذه الأمور فمن ترك واحدا منها فإنه لا يكون مؤمنا. Donc le cheikh il dit que cette personne qui fait rien du tout de tout ce qui est obligatoire, il n'est pas un croyant, même s'il reconnaît par son cœur que c'est la vérité et il reconnaît avec sa langue. Mais il ne fait rien avec son corps, aucune des actions obligatoires, alors il a complètement annulé, il a complètement mis de côté les actions, sans aucune excuse, donc il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Parce que la foi, comme on l'a expliqué, et comme les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a le définissent, ils disent que la foi c'est une parole de la langue, une croyance du cœur, et une action par le corps. Et la foi, donc, elle ne peut être obtenue qu'en ayant réuni toutes ces choses-là ensemble. Celui qui en abandonne une de ces trois, il n'est pas croyant. Donc, il faut réunir ces trois choses-là. Ça fait un tout. Si tu enlèves une de ces trois parties-là, alors il n'y a pas de foi dans ce cas-là. Donc si quelqu'un n'a pas la croyance dans le cœur et qu'il a les actions du corps et la parole de la bouche, il est un munafiq, il n'est pas un croyant. Si quelqu'un a par exemple la croyance du cœur mais il ne veut pas le dire avec la langue, et il n'est pas mu'min, il n'est pas croyant. C'est comme par exemple Abu Talib ou bien d'autres parmi les gens du livre, comme on a mentionné dans les cours précédents, qu'il y a ni Abu Talib, il disait, il croyait dans son cœur que la religion de l'islam c'était la vraie. Mais il refusait de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos des gens du livre, ya'arifunahu kama ya'arifuna abna'ahum. Ils reconnaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ils savent que c'est un vrai messager d'Allah. Mais parce qu'ils refusent de le dire, ils ne sont pas croyants. Et à propos de Pharaon, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Donc ils ont renié cette vérité qui vient de Moussa, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils y croient avec conviction. Donc le fait de le reconnaître dans ton cœur, mais que tu ne le dis pas avec ta langue, tu n'es pas croyant. Donc ça c'est un exemple. Et c'est la même chose pour celui qui dit « Je crois dans mon cœur » et qui fait aucune action des obligations de la foi. Comment il peut prétendre être un croyant? Surtout s'il dit dans son cœur, je crois en la ilaha illallah, puis après il s'en va adorer des idoles. Comment il peut prétendre qu'il croit en la ilaha illallah? Il fait le contraire de la foi. C'est pas correct, c'est pas possible. Non, ça c'est pas possible. Comment quelqu'un peut être musulman et pas croyant? À moins que tu veux dire qu'il est par exemple, il est musulman, mais il a la foi faible. Ça se peut. Oui, le mot musulman, ça veut dire qu'il a la foi. Il a la base de la foi. Ouais. Pas pratiquant. Donc, ça c'est des expressions qui ont été souvent empruntées des chrétiens, tu vois. Les chrétiens, ils disent, je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Donc, les musulmans, ils ont imité ça. Quand tu dis que tu n'es pas pratiquant, ça dépend. Il faut voir qu'est-ce que tu veux dire par pas pratiquant. C'est-à-dire, si tu veux dire, je ne suis pas pratiquant, ça veut dire, je ne pratique pas tout. Qu'est-ce qui est, disons, dans l'islam. n'y a personne qui applique tout dans l'islam non plus, tu vois. L'islam, c'est tellement vaste. Il y a tellement de choses à appliquer si tu l'appliques. Si tu veux appliquer tout, c'est sûr que tu ne vas pas tout appliquer. Mais, qu'est-ce qu'on dit être un musulman pratiquant? Ça veut dire être un musulman qui applique qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est obligatoire au minimum au moins. Hein, dans le sens que tu fais ce qui est obligatoire pour être un musulman, tu établis tes salawat, 5 prières par jour au minimum, hein, puis tu fais qu'est-ce qui est obligatoire pour toi au moment où c'est obligatoire, ça c'est d'être un musulman pratiquant. Mais quand tu dis que tu es un musulman non pratiquant, il faut voir. Si tu veux, si ça veut dire quelqu'un qui prie jamais, qui jeûne jamais, qui fait tout ce qui est haram, ça lui dérange pas, qui fait rien dans l'islam du tout, qui pratique pas, ça, c'est pas un croyant, hein. C'est pas un musulman, hein. Si quelqu'un il fait rien du tout, il s'en fout de l'islam. C'est-à-dire pour lui, être musulman ou pas être musulman, c'est presque la même chose pour lui. Il cherche même pas à savoir c'est quoi sa religion. Il cherche pas à l'apprendre, il cherche pas à le pratiquer. Et il y en a plein de musulmans comme ça ici et même en France, c'est encore pire. Allah musta'an. Et des gens, c'est juste la seule chose qu'ils ont, c'est que ils sont d'origine. C'est-à-dire, c'est des gens, leurs parents sont d'origine des pays musulmans. De nom, ils ont un nom. Quand tu regardes leur nom, tu vois c'est un nom musulman. Puis ils ont les traits, hein, physiques. Et dans leur visage, tu vois, ils ont les traits des gens qui viennent des pays des musulmans. Mais ça s'arrête là. Au-delà de ça, il n'y a rien, il n'y a aucun lien ou aucun rapport avec l'islam. Et ils détestent que des gens les associent à l'islam. Parce que pour eux, c'est comme, pourquoi tu m'associes à l'islam? Parce que je suis de tel pays. Et ça les énerve. Donc ça, c'est bien entendu, c'est pas des croyants, ces gens, c'est pas des musulmans. Ok, c'est parce qu'en fait, quand on dit que quelqu'un il est mu'min, parce qu'on dit souvent que c'est des degrés. Il y a, en premier, c'est l'islam. Ça, on va en parler de toute façon dans les cours de l'usul al-salata plus tard. L'islam, après, c'est le plus bas des degrés de la religion. Après, il y a l'autre degré. Après, c'est Al-Iman. C'est le deuxième degré de la religion, plus haut que le premier. Puis le troisième degré, c'est Al-Ihsan. D'accord? Donc ça, c'est 3 degrés de la religion, d'accord? C'est sûr que si quelqu'un, il est musulman, à la base, ça veut dire qu'il a cru en Allah. Il a cru en ses anges, en ses livres, en ses messagers. En le jour dernier, en la prédestination. Ça, c'est les piliers de la foi. Donc, si quelqu'un n'a pas cru en ça, il n'est pas un musulman. Donc, c'est sûr que le musulman, à la base, il a les bases de la foi. Sauf que le mu'min, quand on dit quelqu'un qu'il est un mu'min, ça veut dire qu'il a, en plus de ça, qu'il a, disons, fait plus d'efforts dans sa foi. Il a fait plus d'efforts dans sa foi. C'est pour ça que les bédouins, quand ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, on est croyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, pas on est croyant, dites, on s'est soumis, c'est-à-dire on a accepté l'islam. Mais la foi n'est pas encore entrée dans votre cœur. Parce que eux, ils venaient juste de se convertir à l'islam, et ils disaient, on est croyant. Comme si en voulant dire, on est comme les autres sahaba qui ont cru depuis Mecca, qui ont fait la hijra, qui ont fait Badr, qui ont fait plein d'efforts dans l'islam, qui ont sacrifié leurs personnes et leurs biens pour la cause d'Allah pendant des années. Nous, on vient d'arriver, on est croyants, comme s'ils voulaient se mettre à égalité avec eux. Mais c'est pour faire comprendre que non, il y a des degrés dans la foi. Vous venez de vous convertir à l'islam, donc vous êtes musulman, mais la foi n'est pas encore arrivée fort dans votre cœur encore. Et ça va venir, mais il faut faire des efforts, bien entendu, pour ça. Naam. C'est pour ça, même à l'époque des Sahaba, quand ils voulaient trouver quelqu'un, par exemple, pour guider la prière ou faire des actions comme ça, ils regardaient, par exemple, celui qui connaît plus de Coran. Après, ils regardaient celui qui connaît plus, par exemple, dans la Sunna, celui qui a été converti en premier ou celui qui a été, qui a fait la Hijra. En premier, ou ils regardaient des choses comme ça pour voir c'est qui a vécu plus dans l'islam, qui a fait plus d'efforts dans l'islam pour établir leur degré dans la religion. C'est pas juste dire « Ah, moi je suis converti, ça y est ». Donc ça c'est à propos de cette fatwa. Ensuite, une autre fatwa, qui est une question qui a été posée au cheikh. هل تصح هذه المقالة؟ من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله حتى ولو قال لا كفر إلا باعتقاد وجحود. أوكي. الجواب هذا تناقض. إذا قال لا كفر إلا باعتقاد أو جحود هذا يناقض قوله أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب بالقلب وعمل بالجوارح. هذا تناقض ظاهر، لأنه إذا كان الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمعناه أنه من تخلى عن شيء من ذلك فإنه لا يكون مؤمنا. والجحود نوع من أنواع الكفر وليس الكفر محصورا فيه. Donc il répond à certaines des idées des Murji'a. Il dit, est-ce que c'est correct de dire que la foi c'est une est-ce que c'est correct de dire que celui qui dit que la foi c'est une parole, une action et une croyance, qu'elle augmente et qu'elle diminue, alors de dire que lui, il s'est désavoué complètement de l'irja lorsqu'il a dit ça, même si par la suite il dit que le kufr c'est seulement soit par la croyance ou par le déniement ou bien le rejet, et c'est-à-dire le kufr et par l'i'tiqad, la croyance et al-juhud. Al-juhud ça veut dire de renier quelque chose. Donc il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui ont dit que quelqu'un ne peut pas devenir mécréant excepté si c'est quelque chose qu'il a dit, si c'est quelque chose qui est relié avec la croyance qui le fait devenir mécréant. C'est-à-dire s'il a un problème dans sa croyance, à ce moment-là il devient mécréant. Et également ils disent parfois que on devient mécréant uniquement en reniant quelque chose de la religion. Et le cheikh, il répond à ce sujet-là. Il dit ça, c'est une contradiction. Parce que si tu dis, il n'y a pas de mécréance acceptée par la croix, par la aqida, ou bien par le fait de renier quelque chose, alors ça, c'est une contradiction. Puisque tu dis au début, la foi, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et une action avec le corps. Donc là, tu t'es contredit en disant que c'est juste que la mécréance est juste dans la croyance et dans le fait de renier. Hein? C'est une contradiction apparente. Parce que si la foi, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur, une action avec le corps, et qu'elle augmente avec l'obéissance, et qu'elle diminue avec le péché, alors cela, ça signifie que si tu as délaissé quelque chose de ces aspects-là, alors tu n'es pas croyant. Et donc, le fait de renier quelque chose de la religion, ça c'est une forme parmi les formes de la, ou un aspect parmi les aspects de la mécréance. Mais mais la mécréance ne se limite pas uniquement à ça. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un peut tomber dans le kufr par le fait de renier quelque chose de la religion. Par exemple, quelqu'un, il dit, moi je ne crois pas en la salat, ou je ne crois pas en le jeûne, ou je renie, par exemple, je renie la peine de la lapidation pour les gens qui ont fait l'adultère, ou je renie que l'alcool soit interdit dans l'islam. Ça c'est le fait de rejeter quelque chose qui fait partie de l'islam, ou tu renies quelque chose qui fait partie de l'islam, ça c'est kufr. Mais est-ce que ça veut dire que c'est la seule forme de kufr qui existe? Non, il y a différentes formes de kufr en dehors de cette forme-là. Et est-ce que le kufr ça se limite uniquement à le fait de croit quelque chose de faux dans le cœur ou de ne pas croire à quelque chose de vrai dans le cœur, ou bien ça peut être d'autres formes de mécréance en dehors de ça. Donc le cheikh explique, il dit que comme la foi c'est une parole avec une parole avec la langue, une croyance avec le cœur, une action avec le corps, la mécréance ça peut être aussi une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et une action avec le corps aussi de la même façon. Et quand on a fait les cours sur Nawaqid al-Islam, on a expliqué, le Cheikh Al-Fawzan, il a fait le charh de Nawaqid al-Islam et il a expliqué que quelqu'un, de la même manière que quand on dit que la foi c'est avec le cœur, avec une croyance du cœur, une parole avec la langue et un acte avec le corps, et que ça augmente avec les bonnes œuvres et que ça diminue avec les péchés, de la même manière on peut dire que il peut y avoir une mécréance qui est à l'origine avec la langue, comme par exemple celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, ou celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il dit la ilaha illallah, même s'il dit Muhammad Rasulullah, même s'il fait la salat, s'il dit des choses qui insultent Allah, ou s'il se moque de la religion, il devient mécréant. C'est pas une condition, après tu lui dis, est-ce que tu crois dans ton cœur de, que cette qu'est-ce que tu as dit dans cette insulte? C'est pas une condition. Du moment que tu as insulté Allah, tu as insulté la religion de l'islam, tu as insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu t'es moqué de l'islam, ou de la sunna, ou de la religion, ou de la sharia, donc tu es devenu mécréant. En disant cette parole, et en faisant cette chose. Donc c'est pas une condition que ce soit juste avec le cœur. Hein? Puisque nous on peut pas voir dans le cœur. Mais les paroles sont claires. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Pour les gens qui s'étaient moqués des sahaba, qui s'étaient moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dis au Muhammad, à ces gens, est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc c'est pas juste quelque chose que tu dis je crois dans mon cœur, c'est ça qui fait que tu deviens mécréant. Non, même si tu as dit une parole de kouf, tu t'es moqué de l'islam, tu as insulté Allah, et il y a un frère qui m'a dit une fois, il m'a dit dans mon pays les gens ils insultent Allah normal comme si rien n'était, dans certains endroits, dans certains pays musulmans, comme ici les Québécois quand ils insultent la religion, ils font les sacres comme ils ont les mauvais mots que les Québécois prononcent, c'est tous des mots d'église. Hein, le calice, le tabarnak, l'hostie, tout ça c'est des mots d'église. Quand ils disent ça, c'est pour blasphémer l'église, hein, pour montrer qu'ils n'ont pas de respect pour l'église. Eh bien, dans certains pays musulmans, il y en a qui insultent l'islam et la religion et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien Allah de cette façon-là, comme les chrétiens ils font ici, comme ceux qui se disent chrétiens. Et ça, ils font ça, certains, parce qu'il y en a qui ont été influencés par les idées des communistes ou bien d'autres idéologies des koufars, et ils ont amené ces façons de blasphémer l'islam comme ça. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est kouf. Hein? Donc, ça, c'est des exemples de kouf avec la parole. Et il y a des exemples de kouf avec les actions aussi que quelqu'un peut faire. Si quelqu'un, il jette le mushaf dans la poubelle ou dans les impuretés, et il y a quelqu'un qui se prosterne devant les idoles et les choses comme ça. Hein. Si par exemple quelqu'un, comme par exemple vous allez voir certains soufiyines qui font le soujou devant leur chouyour ou qui embrassent leurs pieds, ou bien tu vas voir les soufis là dans leur mosquée, ils font ça, ils se prosternent devant leur cheikh et ils font le soujoud devant eux, et Allah al-musta'an. Et il y en a qui se prosternent devant les tombes, devant les qubours et des choses comme ça, ça c'est du shirk. Mais il n'y a pas de doute que Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, parmi les signes d'Allah, il y a la nuit et le jour, et le soleil et la nuit. Ne vous prosternez pas au la tasjudu lil shamsi wa la lil qamar, ne vous prosternez pas yani au soleil ni à la lune, mais prosternez-vous devant Allah, celui qui les a créés, si réellement c'est lui que vous adorez. Donc ça, c'est des exemples. Et puis il y a des exemples aussi que Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu, il était revenu de la Syrie. Il a vu des gens là-bas qui s'étaient prosternés devant leurs prêtres, devant leurs rois et tout. Et quand il est revenu, il s'est prosterné devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a pas dit « tu es un mouchrik ». Il lui a dit « pourquoi tu fais ça ?»« Ya Mu'ad, qu'est-ce que tu fais ?» Et il lui a dit « j'ai vu des gens qui faisaient ça là-bas, en Syrie. J'ai cru que toi, tu mérites plus de respect que eux. » Tu mérites plus qu'on te fasse ça que eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non, tu dois pas faire ça. Il a dit, si je devais ordonner à quelqu'un parmi les créatures, parmi les hommes, de se prosterner devant une autre créature, j'allais ordonner à la femme de se prosterner devant son mari. Mais Allah seul, c'est celui qui mérite d'être adoré, et c'est lui, devant lui seul qu'on doit se prosterner. Donc, pour dire que on n'a pas le droit de se prosterner devant une créature. Et devant rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça, c'est clair que de se prosterner devant autre que Allah, ça, c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Puis après, il y a également des formes de kufr aussi dans les croyances. Ça, il n'y a pas de doute. On le sait. Et ça, tout le monde est d'accord. Mais il ne faut pas croire que le kufr, c'est seulement dans yani dans le cœur, c'est pas seulement dans le cœur, hein. Il y a aussi des formes de kufr qui sont dans les paroles et dans les actions. Ensuite, le cheikh, il dit as-su'al hal hadha al-qawl sahih am la an man sabba Allah wa sabba ar-rasul صلى الله عليه وسلم ليس بكفر في نفسه ولكنه أمارة وعلامة على ما في على ما في القلب من الاستخفاف والاستهانة. الجواب هذا قول باطل لأن الله حكم على بعض المؤمنين بالكفر بعد الإيمان بموجب قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجنب عند اللقاء ولا أجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأنزل الله فيهم قوله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فكفرهم بهذه المقالة ولم يشترط في كفرهم أنهم كانوا يعتقدون ذلك بقلوبهم بل إنه حكم عليهم بالكفر بموجب هذه المقالة أو بموجب هذا المقالة وكذلك قوله تعالى في المنافقين ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فرتب الكفر على قول كلمة الكفر بعد الإسلام. Donc le cheikh, on lui a posé la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est correct de dire que celui qui insulte Allah ou qui insulte son messager, c'est pas une mécréance en soi, mais c'est seulement un signe qui indique la mécréance qui est dans le cœur de cette personne et qui montre comment il a peu de respect et comment il a négligé la foi en Allah, ou qu'il a donné peu d'importance à la religion. Et le cheikh, il répond à ça, il dit ça, c'est une fausse parole, une parole complètement fausse, parce que Allah a jugé au sujet de certains d'entre les mu'minines qu'ils étaient des kuffars, ou qu'ils étaient tombés dans le kufr après la foi, après avoir eu la foi, à cause d'une parole qu'ils ont dite. Et cette parole, c'est la parole quand ils ont dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi que ses compagnons, ils ont dit, on n'a jamais vu parmi nos récitateurs du Coran, parmi nos savants, de plus gourmand, de ventre plus gourmand et de plus peureux parmi les gens lors de la rencontre avec l'ennemi que ceux-là. En parlant des Sahaba et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En voulant dire, ils ont dit, on n'a jamais vu plus peureux que ceux-là. Donc ils sont en train de se moquer des Sahaba et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'était durant la bataille de Tabouk. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset à leur sujet. Et il a dit, « Dis, ô Muhammad, à ces gens-là, c'est le verset 65, dans surat At-Tawba, est-ce que c'est de ces signes de son messager, de Allah, de ces signes de son messager, dont vous vous moquiez ? Ne vous excusez pas, vous avez certes rejeté la foi après l'avoir eue. » Et Allah les a déclarés kuffar à cause de cette parole, et il n'a pas mis comme condition pour dire que ce sont des kuffar que ces gens-là ont cru à cela dans leur cœur. Hein? Parce que justement, ils ont dit wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Si tu leur demandes pourquoi ils ont dit cette parole, ils vont dire on faisait juste s'amuser et se divertir, on faisait des blagues entre nous. Et c'est à cause de ça que Allah il dit par la suite, Qul, dit, est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager que vous vous moquiez? Vous faites des blagues avec ça? Avec la religion d'Allah? Donc il les a déclarés kuffar à cause de ça, à cause de cette parole, même s'ils n'étaient pas sérieux. On dit, mais non, on n'est pas sérieux. Et des fois, vous avez des frères, parfois, ils parlent de religion entre eux, puis ils font des blagues parfois sur l'islam, ou sur la religion, ou sur les musulmans qui pratiquent l'islam, ou sur les femmes musulmanes, ou sur le hijab, ou sur la barbe, ou sur d'autres sujets. Et après, ils disent, mais non, on n'est pas sérieux, on fait juste s'amuser. Et ils oublient ce verset-là. Qui dit قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Donc ça c'est dangereux, il faut faire attention à ce sujet là. Donc c'est pas une condition que la personne elle croit dans son cœur que ça, qu'est-ce qu'elle dit, c'est une moquerie ou que c'est kufr. C'est pas une condition qu'elle croit dans son cœur que c'est sérieux, du moment qu'elle le dit. Et بَلْ إِنَّهُ حُكْمٌ عَلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala, bal innahu hakama alayhim bil kufr. À cause de cette parole, Allah a jugé que c'était des mécréants. Et il mentionne également à propos des hypocrites au verset 74, et ils ont dit la parole de kufr. Et ils ont mécru après leur islam. Et donc, il a mis comme conséquence de cette parole de kufr, il les a déclarés comme étant sur le kufr après avoir été dans l'islam. Donc c'est la preuve que une parole peut faire sortir quelqu'un de l'islam. C'est pas nécessaire que la personne ait nécessairement la croyance ou la foi à ce sujet-là. Donc ça c'est important de le comprendre. Et ensuite, le cheikh dit ma hukmu man yasubb Allah wa rasulahu wa yasubb ad-din. فإذا نصح في هذا الأمر تعلل بالتكسب وطلب القوت والرزق فهل هذا كافر أم هو مسلم يحتاج إلى تعزير وتأديب وهل يقال هذا بالتفريق بين السب والساب. Donc le cheikh il dit, on lui a posé la question, quel est le verdict au sujet de celui qui insulte Allah et son messager et qui insulte la religion de l'islam, et lorsqu'on lui donne la nasiha, on lui donne le conseil à ce sujet-là, il dit comme excuse que à cause des problèmes qu'il a peut-être pour trouver de l'argent ou du risque ou de trouver des biens, de la nourriture, il trouve pas ce qu'il veut, donc il insulte la religion à cause de ça ou des choses comme ça. Alors est-ce que ça c'est quelqu'un qui est kafir ou bien c'est un musulman, mais il faut qu'on le punisse ou il faut qu'il soit éduqué il a besoin d'une punition ou quelque chose comme ça. Alors donc est-ce qu'on fait une distinction entre la personne qui entre l'insulte et la personne qui a fait l'insulte, qui a dit l'insulte, qui a l'insulte elle-même et la personne qui a prononcé cette insulte là, est-ce qu'on distingue entre les deux? Parce qu'il y en a qui disent on juge pas la personne, on juge juste l'action. On juge pas, on condamne pas la personne elle-même, on condamne juste l'action elle-même. Hein? Il sépare entre eux. Il y en a des gens qui veulent philosopher comme ça, Allah musta'an. J'écoutais un d'entre eux, justement, un des prêcheurs en France, il dit, je vous présente ma main. Vous pouvez pas dire qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise. Hein? Et si ma main, elle vole, il faut pas me condamner moi, il faut condamner l'acte, pas la personne. Allah musta'an. Donc ça, c'est des exemples de philosophie qui apparaissent aujourd'hui, qui essaie de distinguer entre l'action et la personne qui l'a fait. Et il n'y a pas de doute que si la personne qui fait quelque chose, sa main, elle n'a pas une volonté à elle seule. Comme si quelqu'un vole, il dit « Ah, mais c'est pas moi, c'est ma main. » Je ne peux pas dire ça. Alhamdoulilah. Donc c'est la personne qui est blâmée, ce n'est pas la main, elle, ou l'action, soi-disant toute seule. Hein, puisque cette action-là, elle ne peut pas se faire toute seule. Hein, il faut que ce soit des êtres humains qui font ces actions-là. Donc, le cheikh, il dit Al-Jawab, la réponse, « La yajuzu lil-insan an yakfura billah bil-qawl ou bil-fi'l ou bil-i'tiqad wa yakulu inna hadha li ajli talab al-rizq fal-rizqu inda Allah subhanahu wa ta'ala wa Allahu jalla wa ala yakul ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فالرزق بيد الله عز وجل والله جل وعلا حكم بالكفر على من آثر الدنيا على الآخرة وقال سبحانه وتعالى في وصف المرتدين والمنافقين ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين فحكم عليهم بأنهم تركوا إيمانهم بسبب أنهم يريدون أن يعيشوا مع الناس ويكونوا مع الناس وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فلو توكلوا على الله لرزقهم الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. Donc le cheikh il répond à la question par rapport à qu'est-ce que la personne lui a demandé. Il dit il n'est pas permis à quelqu'un de rejeter la foi en Allah soit par la parole ou par l'action ou par la croyance et de dire que ça c'est à cause qu'il recherche le risque, il recherche la subsistance. La subsistance elle vient d'Allah. Et Allah, Azza wa Jal, il dit dans le Coran, le verset 2 dans Surat al-Talaq, et quiconque craint Allah, Allah lui donne une issue facile. Et il va lui donner sa subsistance de là où il ne s'y attendait même pas. Donc la subsistance, elle est entre la main d'Allah. Et Allah, Azza wa Jal, il a décrété, ou il a jugé que la personne qui aime plus la dunya que l'au-delà, il est mécréant, il a mécru. Et il a décrit les apostats et les hypocrites en disant, dans le verset 107, dans Surat al-Nahl, que ce sont ceux qui ont préféré la vie de la vie d'ici-bas à l'au-delà. Ils ont préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà. C'est-à-dire pour eux, cette vie-là qu'on vit maintenant, c'est meilleur, c'est plus important que qu'est-ce qu'il y a après la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ils ont pris ça comme si ce n'était pas important. Donc, le cheikh, il dit, il a décrété à leur sujet qu'ils ont abandonné la foi à cause qu'ils veulent vivre avec les gens et qu'ils veulent être avec les gens. Donc, le cheikh, il mentionne le verset 59 dans Surat al-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si seulement ils avaient été satisfaits de ce que Allah et son messager lui ont donné, et qu'ils avaient dit Allah nous suffit, hein, Allah va nous donner de sa grâce, ainsi que son messager, hein, et certes nous retournons à Allah subhanahu wa ta'ala en repentance. Donc ça c'est la parole qu'ils auraient dû dire, de dire que Allah nous suffit et son messager, hein. Allah va nous donner de sa grâce. Donc s'ils avaient abandonné, s'ils avaient mis leur confiance en Allah, Allah leur aurait donné leur subsistance. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mentionné les fitanes, les périodes qui vont venir, hein, dans les tribulations et les problèmes qui viennent à la fin des temps, il a mentionné dans le hadith rapporté par Muslim selon Abi Huraira, il a dit à ce moment-là, quand il y aura les gros problèmes, les gros troubles dans la Ummah, un homme il va se réveiller le matin croyant, il va se coucher le soir mécréant, et un autre il va se coucher le soir il va être croyant, le matin il se réveille mécréant. Il vend sa religion pour une portion petite de cette vie d'ici-bas. Hein? Donc ça, c'est des exemples de choses qui se passent, Allah al-Musta'an, qui sont des fitan à notre époque et puis avant. Ici, non, mais dans d'autres livres, d'autres shuyukh, ils ont peut-être expliqué, donné plus d'exemples ou des détails par rapport à cet exemple, à cette chose-là. Allahu Akbar, Allah. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.